jeune et amoureux. Mais vivre à cet âge-là, sais-tu, tu vis. T'as qu'à la jouer souvent à l'irrévérencieux. Et ses amis, pourtant ceux-là qui l'évitent, qui l'évitent. Takada ce soir ne dormira pas. Fermera les yeux et ça lui suffira. Parti Takada, envoler la vie. Saccagé pour le compte d'un abruti. Cette fumée des canons qu'il jadis avait. Fumée d'ancien calumet. Ce monde habité de hyènes et de chimères. La nonchalance l'emporte, Takada est fixé. Des perceptions infimes de lui, de l'univers. Il n'a plus qu'à y croire et lui se laisse faire. Ses rêves sont condamnés sur ce malentendu. Il prend un œil simple dont on ne le reverra plus, verra plus. Ce soir ne dormira pas. Il fermera les yeux et ça lui suffira. L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Pour rire fait-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude de vivre nous rend-elle plus vivants? Mourir fut-il de nous des êtres à jamais grands? L'habitude, c'est mourir. L'habitude.